Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un excellent thriller. Sous des dehors respectables, l'International Bank of Business and Credit est une multinationale de la finance spécialisée dans le blanchiment d'argent et le financement d'opérations illégales. Face à elle, Louis Salinger, agent d'Interpol, et Eleanor Whitman, district attorney adjoint de Manhattan, sont déterminés à mettre fin à ces activités illégales. Je suis l'agent Louis Salinger. Depuis 2 ans environ, nous surveillons les activités de l'International Bank of Business and Credit. Elle est devenue la banque de référence pour le blanchiment d'argent. Tout le monde est impliqué. La CIA, votre gouvernement, la mafia russe. Ils contrôlent absolument tout. Tous ceux qui ont essayé de les arrêter ont connu une fin tragique. Pour cet organisme, l'argent n'est pas la principale monnaie d'échange. Nous fournissons les armes, les données stratégiques et toute la logistique nécessaire à la réussite d'un coup d'État. Il doit exister un moyen de détruire cette banque. Vous devrez agir en dehors des lois. Si on peut l'atteindre, on atteindra la banque. Cet homme peut les enterrer. Ils s'en prendront à toi. S'ils n'y arrivent pas, ils s'en prendront à ta famille. Le plus difficile dans la vie, c'est de choisir quel pont emprunter et lequel brûler. Là, c'est moi que tu brûles. Je sais que la justice parlera pour nous. Clive Owen, Naomi Watts, L'Enquête. Un DVD, Sony SPHE.